Mois de février, plongez au cœur de nos installations. Laissez-vous scruter par 5 robots qui réalisent votre portrait. Suivez la trajectoire lumineuse de 25 escargots. Domptez une imposante créature flottante. Le mois multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moismulti.org. Ce soir, à l'aérospatiale, la programmation du mois multi avec Ariane Plante, Annie-Charlotte Thibaudeau en chronique sur l'exposition de Mylène Michaud à Materia et l'artiste Caroline Melzine-Normand à la bande vidéo. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. C'est bien sûr sur les ondes de CKRL 89.1. Audrey Caro, en compagnie de Gentiane Lafrance. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Audrey. Alors, c'est cette édition du 31 janvier 2017, bien sûr. Oui, la dernière édition du mois de janvier. Exactement. Et aussi, qui dit mois de fin janvier, dit début de février. Oui. Hein? On entame un mois quand même bien rempli, si on peut dire, corsé, cette année, oui, hein, oui. Comme d'habitude, mais là encore plus. Oui, oui, oui. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde des arts visuels, ouais, au mois de février. Deux événements d'envergure, là, ici. C'est exact, qui se chevauchent. Donc, ça va être bien rempli cette année. On n'aura pas beaucoup de temps pour souffler. Ben, c'est bien, ça va nous occuper pendant tout ce mois-là à vous parler, chers auditeurs, de ce qui se passe. Donc, évidemment, il y a le mois multi qui va commencer cette semaine. Donc, un événement qui est évidemment fort attendu à chaque année et qui nous permet de découvrir des œuvres multidisciplinaires de partout dans le monde. Et pour la première fois, c'est aussi l'ouverture de Manif d'Art 8 qui va déborder bien au-delà du mois de février pour se prolonger jusqu'à la fin du mois de mai. Là. On va avoir le plaisir de revenir sur cet événement au cours des prochains mois. Mais aujourd'hui, on va recevoir Ariane Plante, mm-hmm, qui est commissaire du mois multi, donc commissaire triennale. Donc, c'est sa deuxième année cette année. Et on va passer en revue un peu la programmation de cette deuxième édition pour cette année 2017. Oui, et en deuxième partie d'émission, on va recevoir notre chroniqueuse Annie-Charlotte Thibaudeau, hein, qui fait un retour à l'émission. Elle était absente cet automne, oui, mais elle va être de retour avec nous là, cet hiver et ce printemps. Donc, et elle souhaitait parler ce soir de l'exposition « D'un point à l'autre » de Mylène Michaud, où le tricot et les nouvelles technologies se rencontrent. Mm-hmm. Donc, bien de voir ça, c'est une exposition qui est présentée à Materia. Et sinon, on va s'entretenir aussi avec Caroline Belzile Normand au sujet de sa nouvelle proposition à peu près prête qu'elle propose, oui, cette fois-ci à la bande de vidéo. Et c'est jusqu'à dimanche, hein, faut le rappeler, donc à ne pas manquer. Et comme toujours, on termine l'émission avec notre agenda de la semaine qui est bien rempli aussi, oui, cette semaine, vous le devinez. Donc j'entends la sélection audio de Simon cette, oui, semaine. Donc Simon Roy nous propose cette semaine un artiste dont j'avais beaucoup de difficultés à lire le nom du groupe, mais je pense que ça se prononce Penguin Crew. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment ça s'appelle PNGWNG. Un groupe d'Israéliens qui joue avec une espèce de hip-hop futuriste. Donc, on part pour une petite pause audio avec Penguin Crew. Et on revient après la pause avec Ariane Plante. Oh! Alors, de retour à l'aérospatiale et je suis en compagnie de Ariane Plante. Bonsoir, Ariane. Bonsoir. Alors, tu es toujours cette commissaire, bien sûr, oui. Du mois multi, hein, parce que comme Jean-Tiane le soulignait en introduction, c'est un volet de 3 ans avec, je pense, possibilité aussi d'une 4e année. Oui, c'est ça, c'est exactement. Ouvert. C'est ouvert, tout ça est ouvert. Mais dans le fond, toi, tu es là pour donc 3 ans et cette année, tu avais développé l'an dernier une thématique sur les 3 années, mais avec un volet là, qui change un petit peu à chaque année, une approche, ouais. Si on peut dire, différente. Oui, c'est ça. Moi, je le voyais plus comme un axe de réflexion oui. Que je peux développer avec plusieurs sous-questions ou avec différentes perspectives, différents regards. Donc, j'avais choisi le réenchantement du monde. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était d'actualité, qu'on avait besoin de ça. Et bien, surtout, en plus, avec les événements des derniers jours, c'est encore plus disons fort. Disons que ça hein? s'inscrit... c'est ça, l'actualité. Je dirais qu'à chaque semaine, on dirait que l'actualité me ramène à cette idée-là puis me rappelle pourquoi j'ai fait ce choix-là. Exact. Puis cette semaine, c'est... encore plus près de, mm-hmm. parce que bon cette année l'axe que j'ai choisi c'était le côté social, le retour aux collectivités, exact. À la communauté, se réapproprier ce que ça veut dire, quel sens ça peut prendre, le vivre ensemble mm-hmm. moi je disais être et faire ensemble, c'est donc ça. C'est vraiment, je trouvais que bon les très tristes événements nous rapprochaient de ça, puis je me disais bon, c'est encore plus nécessaire de le faire, donc j'étais réconfortée de savoir qu'on allait passer le mois à réfléchir un peu sur ces questions-là à travers les œuvres d'art qu'on va présenter. Là. Exactement. Et puis, c'est aussi une édition qui est dans, comme tu, à la conférence de presse, tu parlais de paradoxe, mais moi, je dirais aussi dans les extrêmes aussi. Ah hein? Oui, vraiment. Ouais, c'est, on en parlait justement à la conférence, l'idée de l'intime, du social. Mm-hmm. On est aussi dans des, sublimer la réalité, puis on est dans des gestes d'une, une extrême violence, là, notamment avec le spectacle d'ouverture de Herman Colgan. C'est ça, Impact. Impact. Puis moi, j'ai vu hier, il a fait quelques extraits devant moi, puis j'ai été... c'est vraiment très percutant, là, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Puis effectivement, c'est d'une... Il y a une violence derrière ça, mais justement pour la dénoncer, pour dénoncer cette proximité de la violence autour de nous, partout autour de nous, puis dans une œuvre absolument magnifique avec des images extraordinaires, le travail de Herman Colgan est vraiment... c'est ça, c'est un travail d'image très léché avec un personnage en 3D qui est plein de transparence, qui lévite dans l'espace. Donc, on est vraiment dans la sublimation d'un élément très négatif qui nous entoure, qui nous environne. Donc, ça va être une expérience assez forte et marquante, je pense, ouais, pour les spectateurs. Je crois que oui aussi, oui. Donc, il faut le dire, c'est ce jeudi, ça ouvre, ce jeudi et vendredi, donc ça, ouais. C'est ce qui ouvre le festival, dans le fond. Oui, absolument. Parce qu'il faut le dire aux gens, l'ouverture aussi, tout le monde est invité à l'ouverture officielle ce jeudi à compter de 17h, je pense. C'est ça, il y a un vernissage dans le hall une des installations qu'on présente pendant le festival qui s'appelle Études humaines. Donc, c'est cinq robots qui se nomment tous Paul, donc qui font votre portrait. C'est dans le hall, donc les gens sont invités effectivement ce jeudi. Puis les spectacles, c'est bon, il y a des billets en vente, mais oui, tout le monde est quand même invité à venir à cette ouverture, festoyer avec nous. Exact. Puis aussi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que c'est assez accessible aussi cette année. Là, on a des spectacles de moins de 25 $ là, donc c'est quand même assez intéressant pour tout le monde. Puis il y a des prix de 30 ans et moins aussi. Oui, puis il y a le passeport du Parfait Festivalier, oui, qui est comme en vente jusqu'à l'ouverture du festival, qui est assez avantageux parce, oui, que c'est... Cette idée de rencontre-là est possible si on est capable de permettre aux gens aussi de venir voir les spectacles puis de rendre ça accessible. Donc, ça fait partie de la vision du festival que ce soit accessible pour tous. Exact. Donc, c'est 90 $ pour voir tous les spectacles, ouais, pour prix régulier, et 30 ans et moins, c'est 75 $. Oui, absolument. Vraiment assez intéressant. On peut voir, mon Dieu, j'ai pas fait le calcul, mais pas loin de 8 ou 10 spectacles. Ouais, avec oui, ça, facilement. Hein, ouais. Donc, quand même. Et sinon, il y a aussi le bureau de l'APA aussi qui rouvre le festival avec, oui, Herman Colgan. Puis, tu parlais de l'idée des paradoxes puis des, oui, extrêmes, et puis avec le bureau de l'APA, on est dans une complète autre, dans un complet autre univers que, mm-hmm, celui de Herman Colgan. Puis on est dans des petits gestes, on est vraiment dans le microscopique. Pas microscopique, mais eux, ils mettent à nu les systèmes électroniques, mm-hmm, tout ce qui se trouve derrière le geste d'appuyer sur un bouton. Qu'est-ce qui fait que j'appuie sur un bouton puis ça entraîne une conséquence à l'autre bout. C'est ça, l'espèce de bout. Réaction aussi, tout le cheminement avant d'arriver au bout. Oui, l'espèce de côté un peu magique là, qu'on connaît pas, qui est caché de notre œil, mais eux, ils finalement le détournent, il traite de toutes sortes de manières très amusantes. Ils sont vraiment dans un esprit, c'est ça, de jeu, une esthétique assez bricolée, comme on le reconnaît, tu sais, près du collage et tout ça. Donc, mm-hmm, c'est plus de l'art performatif qu'un spectacle de théâtre. Ils se disent indisciplinés, donc n'appartenant à aucune, mm-hmm, discipline. Donc, puis aussi, il y a beaucoup d'humour aussi dans le travail de l'APA. On a souvent le goût de rire, on a des surprises, elles sont très ludiques. Oui, vraiment. Ouais, donc, si Herman est dans des questions sur la mort, sur la violence, dans des questions très graves, l'APA nous amène pas dans des questions moins profondes, c'est des questions sur l'émergence des idées, la transformation, mm-hmm, mais ils vont être dans une manière tellement... Un autre registre complètement. Mm-hmm. Donc, effectivement, les extrêmes. Oui. Et puis aussi, le projet Eva. Ça, moi, ça a beaucoup attiré mon attention. Donc, nous sommes les fils et les filles de l'électricité. Oui, ils convient. C'est vraiment une expérience, là, comme on dit souvent au Moimouti, puis je le disais aussi à la conférence de presse. Au Moimouti, on aime que le public soit impliqué dans l'œuvre, mais, mm-hmm, qu'il vive vraiment ce qu'on appelle une expérience artistique au sens immersif, c'est participatif. Ça. Donc ça, c'est pour 16 personnes à la fois. On remplit un questionnaire avant d'entrer dans la salle. C'est une salle qui rappelle un peu dans la configuration et tout ça, les technologies employées, les expériences qu'ils faisaient de manipulation mentale qui étaient faites dans les années 50, là, sous psychotrope, donc où on essaie de reprogrammer ta psyché, si on, mm-hmm, veut. Donc, mm-hmm, on se retrouve 16 personnes, 8, une en face de l'autre, puis on a un casque sur la tête avec une petite caméra, un petit projecteur qui projette des images sur notre visage de manière très rapprochée, donc qui déforme notre visage sans même qu'on change notre expression. Okay. Puis on est invité à poser des actions. On reçoit des commandes dans le casque d'écoute pour, mm-hmm, nous inviter à dire des choses et tout ça. Donc, c'est vraiment une expérience qui amène à réfléchir sur des questions d'aliénation. C'est ça, exact. Ça me fait penser... Ça me fait penser un peu aussi à peut-être 1984 où il y a aussi Equilibrium, un vieux film là, qui n'avait pas fait grand feu au cinéma, mais quand même qui... Où les humains prenaient une substance pour annihiler toute émotion. Ah oui, oui. Ça m'évoquait ça un peu aussi. Des univers dystopiques. Hein, ouais. Ouais. C'est inquiétant. Vraiment, puis justement, tu faisais le parallèle. Je reviens sur l'idée des extrêmes, mais on est dans le réenchantement du monde, mais c'est impossible, puis j'en parle dans la brochure, dans le petit mot, mm-hmm, d'introduction, d'aborder ces questions-là sans parler, parce que réenchantement, il implique nécessairement qu'il y a eu un désenchantement. Donc, je souhaite aussi l'aborder, mais pas comme si le désenchantement était une fin en soi, mais plus une manière de réfléchir à comment on peut réinventer notre rapport au monde, dans le fond. Puis ça en est un bon exemple de désenchantement, ce projet-là. Sinon, il y a aussi Absom, qui est un collectif français, mm-hmm. qui était venu, je pense, cet été, ouais. en résidence à Avatar. En tout cas, je les avais croisés là-bas lors de leur présentation. Donc, un projet multidisciplinaire à la fois visuel et musical aussi. Ouais. Ce sont des musiciens, à prime abord, électroacousticiens, puis ils ont parcouru... En fait, c'est le troisième spectacle d'une trilogie qui porte sur le territoire américain. Et ils ont parcouru des milliers de kilomètres qui séparent Seattle de Québec. Ils ont enregistré des sons, rencontré des gens qui ont fait des lectures de textes de la littérature américaine. Ils ont filmé des images. Donc, ils livrent une espèce de concert cinématographique parce que c'est un film très... je dirais horizontal. Oui. On est vraiment dans l'horizontalité, dans l'exploration du territoire, mais où il y a la rencontre de gens. Et pendant le concert, c'est une guitare préparée, donc une guitare à laquelle, disons, augmentée de système électronique qui va être commandée à distance. Puis ils font la trame sonore de leur film en direct pendant le spectacle, en faisant un collage aussi avec des sons collectés sur le terrain tout le long de leur parcours. Donc, c'est très beau. Et c'est un trio vraiment fascinant, même sur le plan humain. Là, quand je les ai rencontrés, c'était non seulement le projet m'interpellait énormément pour toutes les questions... de la réflexion autour de l'occupation du territoire, ce partage du territoire comme communauté, puis le regard que eux, comme Européens, posent sur l'immensité l'Amérique. De notre territoire. Donc, c'est Immensity of the Territory, un titre anglophone, mais bon, pour ce projet-là. Donc, c'est ça, c'est un concert cinéma. Un peu contemplatif aussi. Oui, très contemplatif, puis c'est très envoûtant, je trouve. Mm-hmm. Mais eux, ils proposent aussi, c'est des improvisateurs, ils proposent aussi une séance d'improvisation, là, je me rappelle plus c'est à quel moment, mais pendant la semaine avant le spectacle, ils invitent les musiciens, les bidouilleurs à amener leurs instruments ou leurs objets qui font du son, puis ils vont les faire participer à une improvisation sur des images de leurs projets, de certains de leurs projets, donc... Si je fouille un peu dans mon programme, je vais trouver, il me semble que... Est-ce que c'est la soirée d'impro multi? Non, c'est pas ça, c'est d'autres choses. Hein? C'est ça, un petit atelier. Mais c'est ça, mais bon, voilà. D'accord. Et puis, aussi peut-être souligner qu'il y a un spectacle également, le Petit Cirque de Laurent Bigot aussi, je pense qu'il peut intriguer les jeunes. Oui, mais en fait, eux, ils disent que c'est pas un spectacle pour le jeune public, mais non. Moi, je dis que tout le monde y trouve son compte parce qu'on y plonge nécessairement avec un regard d'enfant. C'est vraiment... Lui, il a recyclé des jouets, toutes sortes de petits bidules en plastique. Il lui appelle ça des bidules à 3 sous, je crois, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est plein de matériel recyclé. Il recrée une petite arène de cirque, une petite piste de cirque miniature, et il active par toutes sortes de mécaniques ingénieuses tous ces objets, ces petits acrobates, ces petits jouets qui revolent, rebondissent et tout ça. Puis par ces actions, ils génèrent des sons. Donc, il a fait une performance sonore et visuelle parce que la piste s'anime sous nos yeux, sous ses gestes. Puis les sons créés par ces actions-là sont retransmis en direct, sans artifice, sans petting petard. Là, c'est vraiment, vraiment dans le son de la matière et de son jeu, du jeu, lui, qui crée avec son petit univers. Donc, c'est un petit cirque miniature. C'est 65 personnes à la fois. C'est au Musée national des Beaux-Arts. On le présente en collaboration avec eux. Donc, c'est ça. C'est un petit, dans une grande salle, mais pour une petite quantité de personnes à la fois. Donc, c'est assez intime. Puis cette rencontre-là avec cet électroacousticien qui tourne partout dans le monde avec son projet, dans beaucoup de musées, justement. Oui. Ben, super. On va aller faire une petite pause, le temps, justement, de reprendre notre souffle. Et puis, on va revenir, justement, pour éplucher ce qui reste. Là, il y aura encore beaucoup de choses là-dessus. Donc, toujours Penguin Crew. Ça fait une vague immense, ça chrime pas tir, ça arrive du layali, pas du layali, toi et la halit, va crouler chantier, ça va qui je dirais que dire. Ça fait une vague immense, ça chrime pas tir, ça arrive du layali, va du layali, toi et la halit, va قاعد بالسينما يمدي بوفي ويسكي وكوكاين ومينا نينا نينا نينا نينا بيبوين فين ومتين وعشرين بعد الميلاد قاعد بالسيارة زل قاعد بالسينما يمدي بوفي ويسكي وكوكاين ومينا نينا نينا نينا نينا بيبوين فين ومتين وعشرين بعد الميلاد قاعد بالسيارة زل قاعد بالسينما يمدي بوفي ويسكي وكوكاين ومينا نينا نينا نينا نينا بيبوين فين ومتين وعشرين بعد الميلاد. Toujours en compagnie de Ariane Plante, on poursuit notre exploration de la programmation du mois multi, bien sûr. Faut quand même, avant de poursuivre, moi j'avais juste une petite question à te poser parce que en épluchant cette belle programmation, il y a des artistes à la fois du Québec, d'ailleurs au Canada, Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Colombie. Bref, donne un beau panorama. Il y a un beau mélange entre production, talents locaux et talents internationaux. Comment tu as procédé à cette sélection-là, le choix de ces œuvres-là? Est-ce que c'est parce que tu participes à d'autres festivals dans l'année puis ça attire ton attention? Oui, entre autres, mais il y a des deux, en fait. Je participe à des festivals, il y a des œuvres que j'ai vues dans des festivals, comme Ada, l'espèce de grande sphère transparente. Ça, je l'ai vu à Paris. Patrick Tresset avec les robots qui font le portrait aussi, je l'ai vu à Paris. Donc, puis des fois, on reçoit des dossiers, puis on allume sur l'œuvre, mais on ne l'a pas vu en personne. Mm-hmm. Donc, c'est des beaux risques qu'on prend, mais des beaux risques calculés, on s'entend. Oui, c'est le cas notamment des Italiens de Quiet Ensemble. Oui. Puis sinon, pour les artistes d'ici, au fil du temps, comme commissaire, on finit par être en lien avec les artistes. Ils nous disent qu'ils ont des œuvres à venir, on va visiter leur atelier. Donc, on voit évoluer le travail. Puis c'est le fruit de ça. On sait qu'Alexandre Berthier, avec son acolyte Karl Otto von Orden, qui habite maintenant en Colombie, qui ont une œuvre nouvelle en création. Donc, on a envie de l'accueillir. Puis même si c'est encore en création, mais on ne l'a pas vu, mais... On a confiance en ces artistes-là parce qu'on les connaît. Donc, c'est un peu comme ça. C'est très intuitif. Moi, j'ai une façon très intuitive de fonctionner. Je vois une œuvre, ça me plaît. On avance avec ça. Puis, c'est un mélange de tout ça, là. Oui. Et puis, comme toujours, il y a le volet installation, exposition, donc chez les partenaires. Donc, oui, tu as évoqué Patrick Tresset avec ses robots, mais on peut trouver aussi Myriam Lambert à la Maison de la littérature. Avec Navire Général, qui son installation, c'est trois voiles qui sont en mouvement. Donc, c'est une œuvre cinétique, là. Oui. Ouais, à la Maison de la littérature. C'est des voiles blanches, genre l'écrin blanc de la Maison de la littérature. Ça devrait être assez beau. Oui, l'effet visuel va être là, dans ce haut lieu de la littérature. Ouais. On a aussi, tu as évoqué Quiet Ensemble, qui est un duo italien qui présente deux œuvres. Oui, il présente une œuvre performative, The Enlightenment, et Orienta, que je dirais pas au complet parce que je m'enfarge souvent, mais c'est une œuvre installative avec les fameux escargots là, dont on a beaucoup parlé. Oui. Puis The Enlightenment, dans le fond, c'est un orchestre de lumière, donc c'est un imposant système d'éclairage qui va créer de la musique là. Le soir des vernissages, justement, le 18 février, le soir où on manif d'art, fait les vernissages partout dans Méduse. Donc, c'est ça. Important de le dire, ça rouvre le 18, donc on faut attendre un petit 2 semaines avant de voir ça. En même temps, ça redonne un beau pep aussi, un bon vent là, pour les 10 festival. Derniers jours, exact. Ouais. Puis il y a aussi Ada qu'il faut quand même parler aux gens, là, qui est assez intéressante, cette espèce de boule avec des éléments de graphite, comme genre de crayon. C'est du fusain. Des grosses pointes de fusain. Oui. Donc, ça fait une espèce de porc-épic transparent avec les grosses pointes de fusain. Puis, elle flotte dans l'air. C'est une grande boule, là, plus grande que nous, que même la circonférence de nos bras. Et on est invité à la manipuler pour dessiner, laisser des traces sur les murs de la pièce dans laquelle elle se trouve. Donc, on va construire une pièce toute blanche dans la salle multi et la boule va être placée là, gonflée à l'hélium, puis les gens sont invités à entrer dans la pièce. Donc, c'est une espèce d'expérience collective encore là, puis c'est une œuvre complètement analogue, il n'y a aucune technologie, mais c'est quand même une réflexion sur le numérique. L'artiste, elle parle d'une œuvre post-numérique, donc... Oui, et où justement, là, la participation du public est essentielle. Ouais. Autant petits et grands vont pouvoir, je pense, avoir beaucoup de plaisir avec cette gigantesque boule. Oui, oui, vraiment. OK. Et puis, après ça, il faut rappeler, il y a des installations aussi à l'œil de poisson, avec Avatar, et également aussi chez Vue. Ouais. De toute façon, on va avoir le plaisir d'y revenir avec l'équipe aussi dans les prochaines semaines. Mais peut-être juste rappeler, il y a aussi ce samedi, cabaret domestique, moi, qui a accroché mon attention, là, oui, quand tu en as parlé. Donc, quelque chose de nouveau, je pense, ça, ben, aussi, c'est une cabaret. Forme, ben, moi, j'avais envie de... Justement, dans un festival, j'ai vu... Puis, bon, c'est pas une forme si nouvelle, là. C'est des soirées où on enchaîne, oui, une série de performances. Donc, il y a plein de festivals qui le font. Mais au moins, on l'avait jamais fait de c'est manière ça. Où... En fait, on faisait des programmes doubles, mais le public sortait de la salle, mais... On rentrait après pour la performance suivante. Moi, j'avais envie d'une soirée où les performances s'enchaînent de manière organique, puis elles sont réunies par lien formel ou par lien thématique. Mm-hmm. Fait que le cabaret domestique, c'est des formes qui portent sur l'intime, le quotidien, mm-hmm, ce qui est en apparence banal, mais finalement qu'on en révèle les couches de sens. Et c'est ce ça. Bon, fait qu'il y a Catherine Bélanger, John Blouin, et puis David Bernacchi qui, mm-hmm, font des performances tout autour de l'image en mouvement. Puis en contrepartie, toujours dans cette idée d'extrême, la semaine d'après, c'est le cabaret sauvage. C'est donc ça. On va être dans des formes plus ça plus, va brasser un intense, peu plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, avec voyons Éric Dorion notamment. Oui, Éric Dorion, Carl Lemieux avec Alexandre Saint-Onge, Roger Tellier de Craig, qui font quelque chose d'assez noise aussi, puis Myriam Blot. Donc, excellent. Et aussi, peut-être, juste en terminant, il nous, oui, reste un petit 30 secondes, rappeler qu'il y a aussi un party de clôture, Faire la bombe aussi, qui, ouais, qui a été offert à une commissaire cette année. Hein. Oui, c'est Antitube qui nous ont proposé ça avec Claudine Thériault. Donc, c'est Rebrasser la Briantine. On a invité Alexandre Berthier à revisiter Grease. Donc, c'est une soirée karaoké sur les chansons de Grease. Mais Grease, on va retrouver le film, mais dans une espèce de vision un peu mash-up, DJing, live, où les gens vont pouvoir quand même chanter, danser ensemble, puis on invite les gens à se déguiser et à amener des accessoires. Donc, voilà. Beaucoup de plaisir au programme, vraiment, là. Et puis, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas pu évoquer, mais on vous invite fortement à aller soit consulter le site du Mois Multi, moismulti.org, pour connaître toute la programmation, mais aussi la programmation papier qui est disponible dans un peu partout à Québec. Rappelez que c'est du 2 au 26 février et un festival qui, moi, quand je feuilletais, encore, je te félicite pour vraiment la programmation. Moi, ça m'a enthousiasmée beaucoup. Et puis aussi dire que j'ai trouvé que c'était, faut rappeler aux gens, c'est très ouvert et inclusif, très participatif. Donc, n'hésitez pas à y aller à la fois en famille aussi parce qu'il y a des soirées, des visites, ouais, spéciales pour les familles. Il y a beaucoup d'activités gratuites, le, oui, cabaret domestique, entre autres. C'est ça. Et plusieurs ateliers, conférences, oui, aussi. Donc, allez éplucher ça. Puis de toute façon, on vous en parle. Merci beaucoup, Ariane. Merci de m'avoir accueillie. Ben, ça fait plaisir. Et puis, bon mois multi. Merci. Bon mois de février. Alors, nous, on va faire une courte pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième moitié de l'émission. 89.1. Les 16 et 17 février, la Maison de la littérature présente On trace. On est là à tracer la ligne, à tracer comme des fous sur la ligne de trace, à avancer là sur la ligne de trace. Deux soirées à la fois brutes et sensuelles par Fred Griot et ses musiciens. Une occasion privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes performeurs de la francophonie. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voix automatisées. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. moismulti.org. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio en art visuel, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Jean-Tiane, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. On est en compagnie d'une chroniqueuse qui fait un retour, comme on le disait, Annie-Charlotte Thibaudeau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est très heureuse de te avoir parmi l'équipe. Ben oui, moi aussi. Et puis, voilà, donc tu as entamé, tu nous as fait une proposition, tu oui. nous as dit que tu voulais aller voir cette exposition de Mylène Michaud à Materia qui s'intitule « D'un point à l'autre ». Oui. Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est assez intriguant. Oui, certainement. Ben, c'est une exposition qui est bon, lancée depuis le 6 janvier dernier. Je me permets rapidement de parler un peu du parcours de l'artiste. En fait, c'est une artiste qui a une formation en art visuel, mais qui est doublée d'une formation technique en métier d'art. Oui. Donc, une spécialisation textile où, ben, évidemment, au cours des 3 années d'études, elle a vraiment développé un fort talent pour programmer des motifs. Donc, c'est important aussi de savoir, quand j'ai fait mes recherches sur elle, qu'elle a travaillé aussi dans un commerce de broderie où elle s'est mise à s'intéresser à l'industrialisation de savoirs artisanaux comme le tricot jacquard. Donc, en ayant ces informations-là en tête, en faisant la visite de l'exposition, on comprend un petit peu mieux ce qui a donné lieu à sa pratique actuelle. Exact. Les réflexions qu'il aborde dans sa pratique. Oui, oui, exactement, parce qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup d'elle comme une artiste qui est à mi-chemin entre l'artisanat et la technologie. Puis l'exposition à Materia, ça nous propose 7 œuvres qui sont assez récentes, qui ont été créées entre 2013 et 2016, qui sont des sortes de tableaux-cartes, un peu comme des vues de territoire, qui sont au tricot jacquard programmé et qui matérialisent des cadrages précis qui sont tirés de Google Maps. Donc, à partir de cette ressource-là, elle choisit un lieu qui l'intéresse particulièrement. Elle sélectionne un cadrage, fait une capture d'écran, puis elle le fractionne en plusieurs carrés qu'elle va venir tricoter et qui seront ensuite assemblés en couture pour recréer l'image initiale. Puis elle travaille ces fractions-là comme des motifs, justement. Elle les matérialise avec le tricot jacquard programmé, ce qui nous permet de voir des bonnes similitudes aussi entre... la construction d'une image numérique et puis la construction textile où, dans son travail, plusieurs points, plusieurs mailles viennent agir comme plusieurs pixels. C'est ça, c'est intéressant ce mariage, justement, oui. entre artisanat et nouvelles technologies. C'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement non. souvent. Puis aussi, c'est assez particulier le résultat que ça donne, comme une oui. gigantesque... carte, finalement, exactement. Mais en même temps que ce côté textile aussi qui est très présent. Là. Puis le maillage par rapport au pixel, c'est que le pixel, c'est un petit carré très fermé, alors oui. que les mailles permettent d'avoir une continuité entre les éléments de motif. Là. Oui, qui sont unis, en oui. fait. Là. Ah, ouais. Oui, puis elle travaille vraiment en ratio 1:1 quand elle fait ces cartes-là. Ah. Donc, une maille est égale à 1 pixel, ce qui l'amène à réaliser souvent des œuvres de format colossal. Puis la majeure partie des cartes ont des titres qui sont associés à des coordonnées GPS. OK. Donc, par exemple, -66.00,125.00, par exemple, qui peuvent parfois nous révéler la localisation de certaines images qui sont prises de très, très haut, qui sont plus difficiles à localiser. Et j'ai fait l'expérience aussi en centre, en fait, là, lorsque je me promenais dans l'exposition, on m'a prêté une tablette numérique, puis on arrive vraiment à localiser là, les lieux, puis à voir la grande similitude entre les espaces qu'elle vient matérialiser. Et ce qui est... en fait, moi, si j'ai à parler d'une œuvre particulièrement qui m'a touchée, je dirais que tous ceux qui empruntent le boulevard Charest, en fait, voient bien la vitrine du centre matériel. Puis c'est cette œuvre-là, en fait, qu'on voit très, très bien à partir du boulevard Charest, moi, qui m'a plu particulièrement. C'est une carte qui est colossale, qui est tendue à angle, donc un peu comme une voile, si on veut. Et l'ancrage au plafond de la galerie se termine au bas de la vitrine, dans un presque 45 degrés là, à partir de la vitre. Et de l'extérieur, en fait, ce qu'on a, c'est une vue aérienne plutôt abstraite d'un point dans l'océan Indien, tout près de l'Antarctique. Et dans le centre matériel, ce qu'on voit, c'est l'envers, en fait, de ce tissage-là, où on a des fils lâches qui tombent comme des arcs de cercle. Puis un peu comme ce que tu parlais aussi tout à l'heure, Jean-Tiane, c'est vraiment là la matérialité plus brute à laquelle on a accès, ce côté-là de l'œuvre aussi, qui nous ouvre la porte sur la technique. puis la minutie, la lenteur qui est associée au travail de la fibre. Mm-hmm. À l'inverse de la technologie. De la technologie où tout se fait assez rapidement. Justement, on va sur Google Street View ou Google. Puis on s'impatiente quand ça va passer vite. Exactement, c'est ça. Donc, c'est intéressant ce rapport aussi à la rapidité, au temps versus l'artisanat, le tricot. Là. Oui, exactement. C'est ça. En fait, c'est que le travail de Mylène Michaud, ça se trouve à être une confrontation entre la lenteur de la technique artisanale puis justement, comme tu le mentionnes, l'instantanéité des images virtuelles qu'elle utilise. Mais aussi une instantanéité à laquelle on est confronté quotidiennement. Donc, en alliant la construction textile traditionnelle à des équipements technologiques déjà, mais aussi pour matérialiser des images qui sont virtuelles, elle vient à parler de notre rapport au temps dans un monde numérique. Exact. Et sur le plan des couleurs aussi, qu'est-ce que ça donne, ces cartes? Ça dépend d'une à l'autre. Je dirais, on a souvent des tons de bleu, des tons de vert, mais aussi dans certaines cartes, entre autres les deux cartes qui sont plutôt au début là, de cette série d'œuvres-là, les cartes de 2013, qu'on voit lorsqu'on entre dans la galerie, là, qui font un peu le début et la fin du parcours. On a aussi les petits symboles qui marquent l'itinéraire sur Google Maps. Donc, les petites épinglettes rouges qui sont les seuls points là, aussi forts visuellement avec cette couleur aussi franche qui viennent en plus marquer vraiment le début et la fin de l'exposition avec un point A et un point B. Très intéressant. Donc, c'est à découvrir jusqu'à quand? Jusqu'au 5 février, donc de demain à dimanche inclusivement. Exact, donc c'est vraiment le temps d'y aller si on ne veut pas manquer ça. Sinon, ben, si on est en dehors des heures d'ouverture, il y a toujours cette magnifique œuvre qu'on peut voir de la vitrine si des fois c'est fermé. Donc ça, c'est ça qui est intéressant avec des centres comme Materia. Il y a une vitrine sur rue, donc on peut quand même jeter un œil et avoir une belle impression. Eh bien, Annie, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de cette exposition-là et on se revoit plus tard dans la saison. Oui, certainement. Excellent. Donc, on va poursuivre en pause audio avec toujours Penguin Crew et cette fois-ci, c'est Mazia Finn. Oh. My, my, my, my, my, my, my, my. بلادني منشفي. أنا جاي المي. My, my, my, my. My, my, my, my, my, my, my, my. بلادي منشفي أنا جايب المي. My, my, my, كل كساس في البكيني لما أجي كلن علي خلاص ترشقيني أنا ضد المي نازلي على بطني نازلي عإجري بين إجريكي بلادي منشفي يلا خلصي بدي شوي تحت المي زي اتلانتيس فيش حازين بسوجين البلاد منشفي كلكو عطشانين شايفي مقشبي بدكو بزالين ما انشفكو بعرف شو ناقصكو بم وين جاي يسقيكو وين جاي يسقيكو مي مي مي مي My, my, my, my, my, my. بلادني منشفي. أنا جاي المي. جاي المي. جاي المي. جاي المي. أفتح الدوش إش بنزل عراسي عاجسمي عاكل شي عاجسمك عالأرض فش غير مي. مي. مي. مي. مي. مي. مي. مي. مي. مي. مي. برماي لازمني مي لازمني فاي متعود دايما حوالي يكون في مي دافي شوي بردي شوي المهم مي مي المهم مي مي المهم مي مي مي مي دودي مطزز ان بدي مي مقزز نشفتوني يا منايك نشفتو بزي قالت ضربة شمس قلبت فوزي موزي مش ملاقي لي انا بيع الوضع بخسي مطزز ان بدي مي مقزز نشفتوني يا منايك نشفتو بزي قالت ضربة شمس قلبت فوزي موزي مش ملاقي لي انا بيع الوضع بخسي مي مي مي مي Alors, de retour à l'aérospatiale avec Caroline Belzine-Normand. Bonsoir Caroline. Bonsoir Gentilhomme. Ça va bien? Oui, toi? Oui, donc hors d'onde, on parlait de ton séjour à Rimouski. Donc, tu es allée à Rimouski la semaine dernière dans le cadre d'un projet collectif. Oui, exactement. C'est le laboratoire folklore à Caravane-Sérail. Mm-hmm. Puis, on est deux artistes en métier d'art, deux artistes art numérique. Puis on collabore ensemble pour éventuellement, en plus en juin, faire une participer à une exposition itinérante dans une cabane à pêche qui va se promener à Rimouski. Ah, intéressant. Donc, on t'a invité aujourd'hui parce que en ce moment, la bande vidéo, c'est ta première exposition solo. Oui, exact. C'est le fun. Oui. À peu près prête qu'elle s'appelle ton exposition. Donc, Caroline, on t'a déjà invitée à l'émission en tant que responsable des communications à la Chambre Blanche. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est pour parler de ton travail artistique. T'es une artiste quand même assez touche-à-tout. Un bagage académique qui oscille entre l'animation, les sciences de l'animation et les arts visuels. Tu vas travailler, bon, évidemment, la vidéo d'animation, le son, l'écriture, l'image fixe, l'image animée, les objets. T'es actuellement à la maîtrise. T'es très, très impliquée dans le monde des arts à Québec. Puis je trouve que l'exposition que tu présentes à la bande vidéo est un peu à l'image de ta pratique. Tu nous présentes beaucoup de choses. Puis c'est étonnant aussi quand on entre à la bande vidéo, on est habitué à avoir des installations vidéo donc assez simples, alors que là, il y a trois vidéos, mais il y a également des objets qui sont présentés dans l'exposition, puis il y a comme tout un dialogue qui s'installe. Je commencerai par le titre, en fait. À peu près prête, est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? D'où te provient ce titre-là? Il s'agit d'un premier volet d'exposition, puis il y a un deuxième qui va être présenté à Trois-Rivières qui s'appelle « À peu près ». OK. Puis pour moi, c'était une façon de... C'était plus par rapport au terme de la frivolité. Mm-hmm. Puis c'est comme plus une façon de voir ma pratique qui est comme assez ouverte, puis aussi de voir dans un processus méthodologique d'insérer une maladresse, une frivolité ou quelque chose qui contre ou disons qui n'est pas dans ce processus de rationalité, de méthode et tout ça. Donc une espèce de perte de contrôle. Oui, certains laissaient aller, disons, oui. Quelque chose qui s'immisce dans la pratique. Donc ça peut donner des moi je trouve que tes propositions, il y a beaucoup de naïveté, de une espèce d'approche un peu naïve ou primitive. On va en parler un peu plus concrètement, mais tu présentes les trois vidéos et également des objets façonnés en céramique. Oui, exact. Ces objets-là qui vont présenter des corps féminins nus, des fragments de corps, mais façonnés de façon assez primitive, je dirais. Il y a quelque chose de primitiviste un peu. Disons, un certain côté tactile qui est très, où je me laisse aller, où il n'y a pas de... Tu sais, où je me donne pas de limites. Puis par rapport... c'est sûr qu'il y a un aspect de, tu sais, on pourrait dire représentation de corps ou d'éléments qu'on reconnaît. Mm-hmm. Mais en même temps, je pense que c'était juste de m'amuser, de faire des formes. Puis c'était vraiment de m'éclater par rapport à ça, puisque ça me faisait vraiment du bien parce que malgré ma recherche de frivolité dans les films d'animation, c'est tellement un long processus rationnel de scanner les feuilles de papier, aussi d'y aller de manière méthodique pour créer un film, mm-hmm. que je trouvais par rapport à la céramique, il y avait vraiment un laisser-aller que je retrouvais un peu plus par rapport à cette forme de création là. Mm-hmm, mm-hmm. Ouais, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure avec Annie Charlotte Thibaudeau du travail de Mylène Michaud qui a cette volonté là de confronter le monde virtuel, hein, le monde de Google Maps avec la réalité très matérielle du travail textile, alors que toi tu le fais aussi, donc tu présentes des objets de céramique, tu présentes des objets brodé et également des vidéos. Comment tu le vois, ce rapport-là de l'artisanal et du technologique dans ton travail? Ben, je dirais aussi que c'est une idée ou des choses, des représentations qui ou même, je dirais, juste des éléments qui se transmettent par de manière fétiche. Donc, c'est comme toujours d'essayer de représenter ou de chercher une forme, puis l'exprimer de diverses façons. Puis, justement, par rapport à la technologie, il y a tellement une méthode à avoir, à appréhender, que c'est comme ça fait du bien quand on tombe dans le textile ou la céramique, où justement je me laisse plus de liberté dans la création. Donc il y a comme un équilibre mental à atteindre quelque part? Peut-être. Peut-être inconsciemment. Non, mais donc tu parles de ce travail-là. Ben, moi, j'ai vu beaucoup de répétitions aussi dans ton travail. Donc tu vas travailler autour d'un motif et tu vas construire différentes variations autour du même motif. Oui, ben en fait, je dirais peut-être pas un motif, mais oui, vraiment comme une fétichisation d'un élément qui va se reproduire du film au textile à la céramique. Puis c'est toujours cet élément-là qui est un peu obsédant, qui revient. Puis pour moi, c'est une espèce de parcours entre un espace virtuel, un espace concret, puis tout ce parcours-là tactile aussi, mental, ça se voit autant dans l'animation que dans la céramique, que dans le textile. Il y a comme une circulation entre... Puis c'est intéressant aussi parce que j'en parlais aussi à mes confrères, consoeurs, tu sais, de l'ordre des choses. Comment est-ce que l'animation est en premier? Est-ce que la céramique est en deuxième ou en premier? Puis en même temps, tu sais, même si j'ai commencé par un film, j'ai l'impression que tout circule ensemble, que j'ai fait des productions presque de manière alternative. Donc, il y a un dialogue entre tous les éléments qui sont présentés parce qu'ils sont faits aussi d'un même temps. Donc, il y a une circularité, si on veut. Donc, il n'y a pas de... puis, on y va aussi selon notre propre bagage en tant que spectateur. Si on est plus appelé par la vidéo, on va peut-être appréhender la vidéo en premier. Puis, pour parler de tes vidéos, comme tu dis, tu t'explores différentes figures, différents motifs aussi. Là, il y a trois vidéos. La première, là, je ne me souviens plus des titres, je m'excuse. Donc, il y en a une où tu explores différents motifs très, très abstraits. Oui, le premier, c'est refoulement. Refoulement. Donc, différents motifs très abstraits. Il y a des moments où l'image clignote au très, très clair, très foncé, très, très rapidement. Donc, beaucoup de mouvements. Mais ces motifs-là, est-ce que c'est des motifs que tu fais inconsciemment? Comment tu travailles ces motifs-là? Parce qu'il y a quelque chose de... C'est très abstrait, c'est très simple. Il y a quelque chose du gribouillage aussi. Oui, bien, en fait, pour ce film-là, c'est assez paradoxal la manière dont j'ai procédé, parce que justement, je voulais avoir un laisser-aller, puis même qu'on a cette impression-là quand on regarde. Mais j'ai vraiment fait un storyboard, vraiment un scénario-image, tu sais, qui détaille chaque transformation de la ligne. Donc, c'est vraiment une suite progressive de la ligne dans le film d'animation. Puis, ces lignes-là représentent où on peut y voir parfois des... c'est vraiment une étude de la ligne primitive, mais on peut reconnaître certains éléments de... par rapport au corps féminin ou on le sent. Donc il y a des courbes, des répétitions, des poils, on s'imagine, on le sent quand même mais le corps féminin fait beaucoup partie de tes préoccupations dans ta démarche. Oui, exactement. Donc pour la seconde vidéo, on a ce personnage féminin qui est un peu comme encastré, si on veut, dans le cadre de la vidéo. Oui, ça, c'est... en fait, c'est mon dernier film. C'est Architecture sensible. Puis c'est comme... c'est un corps féminin qui s'adapte à l'écran. Puis à travers des métamorphoses, il y a une série de transformations qui fait en sorte que c'est vraiment l'adaptation du corps versus l'écran qui devient une espèce de carcan. Ouais, c'est ça, exactement. Puis qui, au long du film, d'autres éléments un peu absurdes arrivent aussi. Oui, mais il y a quelque chose de l'inconfort. On sent jamais que le personnage est dans une posture confortable. Non, c'est ça. Son corps est assez difforme, puis... Avec des longs membres. Ouais, exactement. de tout courber. Et bon, on va parler de la troisième vidéo pour terminer rapidement. Donc, on a une pointe de pizza qui s'amuse avec des plantes, des motifs très, très, très géométriques. Donc, c'est la grille, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'humour aussi dans ton travail. Oui quand même. cette pointe de pizza là, c'est un personnage. Est-ce qu'elle a un nom? Non, j'ai pas. Mais en fait, pour ce film là, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'amener des éléments humoristiques par rapport à un fond en arrière-plan qui est vraiment comme mathématique, cartésien, très formel. Formel, puis je voulais vraiment créer une forte opposition entre ces éléments-là. Au début même, j'avais juste fait une plante qui se métamorphose, puis je me suis dit, il me semble qu'il manque un élément plus amusant ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis c'est là que la pizza est apparue. Donc oui, ça fait rire et puis ça fait réfléchir aussi. Donc t'as vraiment un travail très très formel dans ton travail d'animation, dans ton travail de vidéo, mais c'est pas une vidéo où il y a des mouvements de caméra ou tu sais, c'est vraiment des plans qui se succèdent. Oui. Et tu présentes trois livres aussi dans l'exposition. Oui, ben en fait à chaque fin de film d'animation ou à chaque fois que j'en finissais un, je faisais une publication. Justement, pour le premier refoulement, c'est le scénarimage du film. Mm-hmm. Pour le deuxième, la grille, c'est plus certains éléments qu'on retrouve, la plante, la pizza, d'autres parties de corps féminin aussi. Puis le dernier, c'est plus comme un flipbook de la métamorphose de la femme. Donc, ça, pour moi, c'était comme une façon de sacraliser ou de terminer un peu le film que je venais de faire. Ah, c'est une belle façon de le faire en donnant un objet matériel qu'on peut manipuler, qu'on peut prendre le temps de voir parce que parfois les images passent très très vite. Ouais, exactement. Donc merci beaucoup Caroline Belzile-Normand d'être venue nous parler de ton exposition à peu près prête qui est présentée à la bande vidéo jusqu'à dimanche. Oui. dépêchez-vous. Oui, moi je vais me dépêcher à aller la voir. Une très belle exposition. Alors on va partir en petite pause audio et au retour de la pause, on vous présente l'agenda de la semaine. Alors Jean-Tiane, on va terminer bien sûr l'émission comme d'habitude avec notre agenda de la semaine, les événements à ne pas manquer. Comme on le soulignait avec Ariane Plante, c'est l'ouverture du mois multi ce jeudi 2 février. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Donc à compter de 17h, là, on va ouvrir, on va pouvoir célébrer, festoyer, puis aussi voir cette installation de Patrick Tresset. Mais il y a aussi le spectacle Impact d'Herman Colgan le 2 et 3 février. Entrée, nous sommes ouverts du bureau de l'APA le 2, 3, 4. 4 février, Cabaret domestique aussi, qui met en vedette Catherine Bélanger, John Blouin et Bernard Falaise, ainsi que David de Bernacchi. Donc ça, on le rappelle, c'était gratuit. Les deux autres spectacles, c'est payant, mais pas très cher. Il y a deux installations aussi qui ouvrent cette semaine, donc celle avec les robots dans le hall de Méduse et aussi Navire général de Myriam Lambert à la Maison de la littérature. Le vernissage, par contre, se fait vendredi à 17h30. Mm-hmm. Comme on disait, allez consulter la programmation sur le site du Mois Multi. Sinon, ce samedi, midi, il y a l'atelier familial « Boucler la boucle » à compter de 10 heures à l'œil de poisson autour de l'œuvre de Nathalie Bugeaud. Hein, c'est vraiment super chouette comme activité. Oui. Pour les 6 à 10 ans, il faut s'inscrire par contre. C'est gratuit, mais il faut... pas gratuit, mais 5 $ je pense. Donc, il faut s'inscrire à accueil@commercialoeildepoisson.com. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Et sinon, dès lundi, on peut voir l'exposition « Monstrum in Fronte » à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Donc, une exposition qui regroupe une sélection d'œuvres variées créées par 14 artistes de la relève de Québec. Sinon, Jean-Tienne? Ben, c'est la dernière semaine pour voir l'exposition « L'odeur du sang mûri » de Catherine McInnis qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Donc, c'est jusqu'à mercredi, jusqu'à demain. Également, on a jusqu'à dimanche pour aller voir l'exposition de Mylène Michaud à Materia, dont on vient de parler. L'exposition de bande essai à la Galerie des Arts, dont on a également parlé à l'émission, de Caroline Belzile, dont on vient tout juste de parler, à la bande vidéo, et Marc Boutin au lieu, et Thierry Arcambossé, qui termine également à Espace Parenthèse dimanche. Oui, alors, à ne pas manquer, parce que ce sont de très bonnes expositions, bien sûr. Alors, c'est déjà tout pour nous cette semaine. On vous rappelle, si vous avez manqué l'émission ou bien d'autres que vous aimeriez rattraper, c'est en balado-diffusion sur notre page web, aérospatialecrl.wordpress.com. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. On a justement mis des petites photos. Quelques publications Instagram. Hein? Oui, exactement, aujourd'hui. Et un grand merci à nos invités Ariane Plante et Caroline Belzile-Normand, ainsi qu'à notre chroniqueuse Annie Charland-Thibaudeau, Jacques Gignac, toujours fidèle à la mise en onde, qui fait toujours un brillant travail. On te remercie. Et sinon, la semaine prochaine, on discute notamment de la performance de Daniel Barrow à l'occasion du Mois Multi avec Adélila Chiguer. Et on reçoit l'artiste de Québec, Samuel Breton, qui expose présentement à Engram. Demeurez à l'écoute de CKRL parce que Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause pour discuter cinéma à l'émission Situation critique. Bonne semaine. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. Raton Lover, c'est quoi ça? Ben, c'est un band de Québec. Ils jouent partout depuis leur premier album. Puis ben là, ils lancent leur deuxième au District Saint-Joseph en 5 à 7 le 14 février. Puis c'est gratuit en plus. Bof, moi le Québécois, tu sais que j'aime pas ben ça. Quoique, ça nous ferait une belle sortie de Saint-Valentin. Ouais, ben, tu sais, je pense que je vais y aller avec Julie, finalement. Je pars au gré du vent, l'autre bord de l'océan. Raton Lover est invité en 5 à 7 le 14 février au District Saint-Joseph. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Une heure par semaine, le 9e art prend d'assaut les ondes de CKRL lors de l'émission La vie en BD. Entrevues, discussions, événements, découvertes. Animé par Raymond Poirier, accompagné par une équipe de collaborateurs passionnants, La vie en BD, c'est votre porte d'entrée vers l'univers de la bande dessinée, de l'illustration et du cinéma d'animation, avec un regard particulier sur la BD d'ici. La vie en BD, les vendredis 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. La 30e Bourse Rideau, le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique, a lieu cette semaine à Québec. D'abord réservé aux professionnels du spectacle, l'événement vous ouvre ses portes pour certains spectacles gratuits du dimanche au mercredi dans plusieurs salles, dont Le Cercle, en fin de soirée dès 23h. Vous pourrez y voir et entendre des groupes tels Les Requins, The Brooks, Heat, Chocolat, Gasoline, Les Deluxe et plusieurs autres. Réservez vos places dès maintenant en vous rendant à la billetterie du Cercle ou sur pointdevente.com. Consultez le site de la 30e Bourse Rideau à rideau-inc.com, section Entrée libre pour l'horaire détaillé. Les 16 et 17 février, la Maison de la littérature présente On trace. On est là à tracer la ligne, à tracer comme des fous sur la ligne de trace. avancez là sur la ligne de trace. Deux soirées à la fois brutes et sensuelles par Fred Griot et ses musiciens. Une occasion privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes performeurs de la francophonie. Situation critique vous est présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Présentement à l'affiche au Cinéma Le Clap, La Tortue Rouge, Julieta, Gold. En février, voyez aussi Le Cyclotron et Le Client dès le 10 février, Tony Erdmann et L'Odyssée dès le 17 février.